Audiomatique. Amorcer la transmission 5-5-9 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter le groupe français Numerals and Letters de son album New Worries qui est paru en 2018. Nous écoutions la chanson Cold Hands. Sans attendre davantage, Audiomatique se poursuit sur la musique créée par l'artiste Martin Nonstatic. Cette séquence musicale de deux pièces terminait sur une réinterprétation d'une pièce de la formation Cowboy Junkies, réalisée par le projet Dead Beat et la chanteuse Fatima Camara. La pièce I'm So Lonesome I Could Cry a originellement été composée par Cowboy Junkies en 1988 pour l'album The Trinity Session. En 2019, le projet Dead Beat, accompagné par la chanteuse Fatima Camara, ont réinterprété cet album dans un style deep dub sous le titre de Trinity 30. Et avant Dead Beat et Camara, nous écoutions une pièce de Martin Non-Static, à savoir Volatile Inhale, qui apparaît sur l'album Pulsatille, paru en 2023. Audiomatique se poursuit maintenant avec le trio norvégien Hedvig Molestad Trio. Nous avions droit à Audiomatic Audio français Tago Mago de son album Traversée sauvage qui est sorti en 2023. Nous écoutions la pièce Autobahn LSD. Et pour débuter ce bloc musical, il s'agissait du Hedvig Molestad Trio, bien sûr mené par la guitariste norvégienne Hedvig Molestad, de son album Bees in the Bonnet, lancé le 9 mai 2025, nous avons diffusé la pièce Apocalypse Slow. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique du projet The Brain. Thank you.

Audiomatic, nous venons d'écouter le projet Clock Dévié, mené par le Britannique Eddie Newton. La pièce intitulée HIT, acronyme pour Human Interactive Technology, a originalement été publié en 1992 sur un disque vinyle 7 pouces accompagnant la version limitée de l'album Men Amplified. La version alternative de la pièce HIT qui a été présentée ici peut être trouvée sur l'anthologie Collective qui regroupe plusieurs singles et compositions rares produites par Clock Dévié entre 1988 et 1993. Et avant cela, nous écoutions le projet The Brain et sa composition Now is Forever, apparaissant sur le second album Access and Amplify, publié sur l'étiquette Hypnotic en 1996. En conclusion de cette transmission 5-5-9 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre le groupe canadien Arcade Fire, de son septième album studio, Pink Elephant, lancé le 9 mai 2025, nous entendrons la chanson Stuck in My Head. La transmission 5-6-0 sera diffusée mercredi prochain dès 17h en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM avant d'être rendue accessible sans contrainte spatio-temporelle parmi les archives numériques d'Audiomatic, dont une des portes d'entrée se trouve sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici Arcade Fire avec la chanson Stuck in My Head. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Something I said, something I said, something I said.